Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. La vidéosurveillance est la panacée en matière de sécurité. Elle fait reculer le crime, les délits, les incivilités. Enfin, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, mais mon président Nicolas Sarkozy. Je ne comprends pas la polémique sur la vidéo. Est-ce que vous croyez que si l'État installe de la vidéosurveillance, c'est pour savoir où vous allez faire vos courses? Ou avec qui vous allez faire vos courses? Vous pensez que c'est à ce point passionnant? Si on installe de la vidéosurveillance, c'est parce que, mesdames et messieurs, sans aucune exception, tous les endroits où de la vidéosurveillance ont été installés, tous les endroits ont vu une progression spectaculaire de la sécurité. Est-ce que j'ai le droit de me priver d'un système qui a fait ses preuves partout ailleurs dans le monde, au prétexte que ça dérange deux ou trois beaux penseurs qui ne vont pas dans vos quartiers et qui n'y comprennent rien? Laurent Mucchielli, vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire méditerranéen de sociologie, et vous venez de publier, vous êtes filmé enquête sur le bluff de la vidéosurveillance. C'est chez Armand Collin. Il n'a pas raison, selon vous, Nicolas Sarkozy? Vous pensez vraiment que l'État s'amuserait à regarder où vous faites vos courses? Alors, il y a à la fois quelque chose qui est exact et quelque chose qui est inexact. Ce qui est exact, c'est que dans une démocratie comme la France, la vidéosurveillance ne constitue pas en soi une menace pour nos libertés individuelles, nos libertés publiques, notre vie privée. Voilà. Ça c'est vrai, mais c'est parce qu'en soi la technologie n'est rien, c'est le régime politique qui fait tout. Inversement, si nous étions aujourd'hui en train de parler tous les deux en Chine, à supposer que nous ayons le droit d'ailleurs d'émettre, nous n'aurions pas cette conversation en Chine, n'est-ce pas? Nous n'aurions pas le droit sur une chaîne de radio de critiquer la politique de l'État, etc. Bon, la grande différence c'est ça, c'est le régime politique, c'est pas la technologie. Donc là-dessus, il a raison, oui, en France, compte tenu de la loi, etc., notre vie privée, nos libertés sont surveillées, et donc c'est pas le problème, c'est d'ailleurs pas du tout moi le propos de mon livre que de savoir si on est pour ou contre, si c'est bien, pas bien, etc. Par contre, là où il a tort, soit il ne sait pas, soit il sait et il ment volontairement, c'est dans la suite du propos, consistant à dire partout, j'ai entendu hein, les mots précis, partout où la vidéosurveillance a été installée, la sécurité a fait des progrès spectaculaires. Ça c'est juste faux. C'est-à-dire, vous avez des preuves, vous avez des éléments tangibles, Laurent Mucchielli, que l'insécurité ne recule pas en cas d'installation de vidéosurveillance. Alors, ce qui se passe en réalité, c'est que si on prend des scènes typiques telles que je l'ai décrites dans mon livre, où il y a trois gros terrains, une petite, une moyenne, une grande ville, que j'étudie extrêmement en détail, parenthèse, mais pour que les gens comprennent la méthodologie, j'ai pu le faire parce que ces villes m'ont demandé de venir faire des études, des diagnostics, et que je leur ai dit, ok, mais en échange, moi je veux porte ouverte partout, comprendre tout, etc. Donc j'ai eu accès à des données qui ne sont jamais rendues publiques, et, etc. Donc quand on regarde en détail les choses, prenons deux exemples. Premier exemple, une des trois villes que j'étudie, il y a une gare qui relie la petite ville à une grande ville, et donc on a des gens qui arrivent en voiture le matin, qui se garent, qui prennent le train pour aller travailler, et qui reviennent le soir, reprennent leur voiture, rentrent chez eux. Ok, donc toute la journée, les voitures sont abandonnées sur un parking, et ce qui se passait, c'est que il y a, pour le dire vite, il y a d'autres gens qui arrivaient dans le même train, mais en sens inverse, et qui eux venaient, qui étaient donc des voleurs, et qui eux venaient faire leur marché, c'est-à-dire casser les vitres d'un certain nombre de voitures, parce qu'ils cherchaient le sac abandonné, etc. Donc il y avait beaucoup de vols dans les voitures, ce que les policiers et les gendarmes appellent des vols à la roulotte. Donc la ville et les gendarmes locaux décident de mettre beaucoup de vidéos pour sécuriser cet endroit et intervenir sur le terrain, etc. Bref, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année? À la fin de l'année, on constate une forte baisse des vols dans les voitures sur ce parking, c'est un fait. Mais malheureusement, le communiqué triomphateur que la mairie envoie aux journalistes s'arrête là. Moi, je fais juste la chose suivante, je regarde ce qu'il en est de l'ensemble des vols dans les voitures sur cette ville à la fin de l'année. Et je m'aperçois que c'est le même chiffre que l'année précédente. Autrement dit, les voleurs se sont déplacés. Comme c'est devenu plus risqué pour eux de voler ici, ils sont allés à l'autre parking de la ville. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de déplacement de la délinquance, qu'on voit tout le temps, hein, et qui est la principale réponse en fait à la question que vous posiez. Oui, bien sûr, localement, on peut largement contribuer à faire reculer quelque chose, mais en fait, ils se déplacent juste à côté. Et donc, c'est sans fin. Ce qui signifie en fait qu'il faudrait plus, dans ce cas-là, de vidéosurveillance. Alors, ce qui signifie que oui, si on voulait en fait rentrer dans cette logique, il faudrait donc finir par vidéosurveiller la totalité des rues de nos communes. C'est-à-dire mettre quasiment 100% de nos budgets publics là-dedans. Alors c'est bien sûr le rêve d'un certain nombre d'industriels, d'où un autre chapitre de mon livre qui est consacré au marché de la vidéosurveillance. Parce que c'est un marché important. Oui, oui, il y a un marché mondial hyper concurrentiel, avec des pays comme les États-Unis, la Chine, qui sont à la pointe de ce marché, qui cherchent à conquérir absolument la planète entière, hein, jusqu'à, je prends des exemples très concrets, jusqu'à des choses ubuesques, hein, jusqu'à aller vendre des programmes d'équipement en vidéosurveillance à des pays qui comptent parmi les plus pauvres de la planète et des populations qui n'ont ni électricité ni l'eau courante, voyez, mais qui auront des caméras de vidéosurveillance. Voilà, ça va bien sûr jusque-là, puisque business is business, et qu'il n'y a jamais d'évaluation des besoins réels de la population, tout ça, c'est pas du tout le problème. Mais alors, il y a quand même un argument que l'on peut invoquer en faveur de la vidéosurveillance, Laurent Mucchielli. Cela consiste à dire, par exemple, que dans les affaires de terrorisme, les enregistrements ont rempli de nombreux services. C'est cela qui a permis d'identifier les criminels, de suivre des terroristes. En réalité, c'est sans doute l'argument le plus inexact qu'on peut entendre effectivement tous les jours, hein, dans la bouche d'un certain nombre d'élus. Je dirais juste que dans le moins de petits villages, hein, parce qu'il faut voir que la vidéosurveillance a eu en gros trois phases de développement, des initiatives locales très politisées dans les années 90, l'archétype étant Monsieur Balkany à Levallois-Perret, ou la ville de Nice par la suite. Ensuite, la grande politique nationale décidée par Nicolas Sarkozy et François Fillon en 2007. Et puis, je montre dans le livre que depuis janvier 2015, l'attentat de Charlie Hebdo, on est rentré au fond dans un troisième épisode où on voit que ce sont désormais des petites villes et des villages qui demandent le plus aux préfectures l'autorisation de pouvoir s'équiper en vidéo. Ce qui est compliqué là aussi, parce que pour ces petites villes, ça suppose non seulement d'avoir des caméras, alors ça c'est un marché, mais ça suppose aussi de surveiller ces caméras. Alors, en réalité, évidemment, les petites villes, les villages, se contentent de mettre un certain nombre de caméras. Alors, c'est très très variable d'une ville à l'autre. Sachant que ce qui coûte le plus cher dans cette histoire, qui n'est jamais dit à la population, c'est pas l'objet caméra lui-même, c'est tout le système de câblage, en fait, hein, la fibre optique, les câbles, etc. C'est extrêmement variable. Ensuite, ce qui peut coûter évidemment très cher aussi, c'est pour ça qu'on ne le voit pas dans les petites villes, plutôt les moyennes et les grandes, c'est lorsqu'en plus, on décide d'embaucher des gens qui vont, à longueur de journée, regarder les écrans. Voilà. Je chiffre tout ça, d'ailleurs, dans le livre, pour que les gens voient bien ce que ça coûte. La bonne question, à mon sens, étant notamment justement la question du rapport coût-avantage. Hein. Puisque donc, pour revenir à votre question, la vidéo du protège du terrorisme, ben ça c'est juste faux. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe en fait à chaque fois? On en a eu la démonstration par l'horrible, c'est l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Hein. Nice, donc la ville qu'on a dit longtemps la plus vidéo-vide et surveillée de France, où le terroriste avec son camion a fait une quinzaine de repérages sur la promenade des Anglais à des endroits où c'est interdit, etc. Au nez à la barbe des caméras, personne n'a rien vu. Par contre, une fois que tout le monde était mort, on a retrouvé des images. Voilà, ça n'a absolument aucun intérêt. Si encore ça permettait derrière de démanteler des réseaux, machin, mais non, même pas. Enfin, il y a un cas par-ci, par-là. Donc non, malheureusement. Et un peu plus souvent, par contre, pour ce qui concerne la petite délinquance, on va dire, du quotidien, je montre dans le livre que, bien sûr, tous les jours, et on peut le lire dans la presse, tous les jours, des faits divers, hier soir, sur le quai de la gare, grâce à la vidéo, nous avons enfin arrêté le voleur qui volait le sac des mamies depuis 15 jours. Il y en a comme ça, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai, tous les jours, des faits divers. Moi, ce que je montre, c'est qu'il ne faut pas raisonner en termes de faits divers, il faut se demander, sur une ville donnée, les enquêtes dans lesquelles une image a été décisive pour les policiers ou les gendarmes, qu'est-ce que ça représente par rapport à leur activité totale dans l'année sur cette ville en question? Et je montre que, quelle que soit la ville, la proportion comme ça d'enquêtes où les images ont joué un rôle important, je dis même pas décisif, juste important, et bien cette proportion est comprise entre 1 et 3% du total des enquêtes sur la délinquance de voie publique que font les gendarmes ou les policiers sur la ville dans l'ensemble de l'année. Autrement dit, c'est pas nul, mais on voit bien que c'est tout petit. D'où la question que je pose moi, qui est la question du rapport coût-avantage. Si c'est sous petit, ça coûte combien? Et est-ce que cet argent, on ne pourrait pas l'utiliser quelque chose de plus efficace encore? Alors, je pourrais vous rétorquer, Laurent Mucchielli, que les gens sont peut-être effectivement naïfs, mais en tout cas, ils sont rassurés lorsque les espaces sont vidéo-surveillés. Est-ce que le fait de rassurer les individus, ça n'a pas un coût, puisque ça fait baisser le sentiment d'insécurité, si ça ne fait pas baisser l'insécurité? Alors, vous avez tout à fait raison. On s'aperçoit que ça a des effets psychologiques sur la population générale. C'est tout à fait certain. Alors, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les élus continuent. Hein. C'est que, voilà, ils voient bien qu'il y a une toute petite minorité de la population qui est assez hostile, une partie qui est tout à fait indifférente, et puis une grosse minorité, on va dire, qui est contente. Qui est contente, voire même qui réclame. Mais ce qui est normal, c'est-à-dire, après tant d'années où on ne cesse de dire à la population, c'est bien, c'est pour votre sécurité, alors vous êtes pour ou contre? Immanquablement, évidemment, tous les sondages montre que 80% des gens sont favorables, forcément. Évidemment. Voilà. Donc, au bout du compte, comment peut-on imaginer, en quelque sorte, inverser le mouvement, c'est-à-dire faire en sorte que le taux d'équipement de vidéosurveillance baisse si, comme vous le pensez, Laurent Mucchielli, cet artifice n'a pas véritablement de conséquences sur la sécurité réelle des individus? Alors, c'est très compliqué, hein, parce que vous le voyez bien que dès qu'on touche à des questions qui sont aussi politisées, aussi médiatisées que les questions de, comme les questions de sécurité, on voit bien que c'est très très difficile quand on fait quelque chose de revenir en arrière. Pour prendre un autre exemple, le maire d'une ville qui décide d'armer sa police municipale et des armes à feu, ce sera très compliqué pour faire le chemin inverse. Hein. Bon, voilà. Moi, par ailleurs, je ne préconise pas dans mon livre de démonter toutes les caméras et les mettre à la poubelle. Hein. Je préconise plutôt de garder celles qui sont en fait installées dans des emplacements qui sont stratégiques en termes policiers. C'est-à-dire que pour les policiers et les gendarmes, oui, ça a du sens de les mettre là au cas où, etc. Par contre, enlever tout ce qui relève d'autres logiques, de logiques politiques, faire plaisir à tel... association de commerçants, association de quartier, que sais-je. Bon, voilà. Ça, ce sont des sottises. Et surtout, de se poser la question, au nom de quoi, et si ce n'est d'un marketing industriel, faut-il continuer à croire que les machines sont plus intéressantes que les humains, qu'avec cet argent, on ne ferait pas mieux d'embaucher, alors s'il y a des risques sécuritaires, ben, d'embaucher des policiers municipaux. Mais je montre qu'il y a des villes où le risque n'est pas sécuritaire. Il y a des problèmes, par contre, dans d'autres domaines. Donc, ça peut être d'embaucher aussi des éducateurs, des gens qui vont faire de la formation aux chômeurs. Bref, il y a un tas de besoins dans des villes qui ne sont pas satisfaits parce que, notamment parce qu'il y a trop d'argent gaspillé dans des illusions technologiques telles que la vidéosurveillance. Donc en fait, c'est un diagnostic au cas par cas que je préconise de faire en fonction des besoins de la population à tel endroit. Et on cherche la réponse la plus adaptée en réalité. Laurent Mucchielli, vous êtes filmé. C'est votre enquête sur ce que vous appelez le bluff de la vidéosurveillance et c'est publié chez Armand Collin. Superfell a été gâché par Anaïs Isebaer, fracassé par Antoine Pitiloni à la technique et piétiné à la réalisation par Alexandre Fougeron. Superfell.